voy a pique. O me voy a pique. Voy a pique. O me voy a pique. O me voy a pique.